Si nous voulons dire que quelqu'un est en train de faire quelque chose en ce moment précis, pour insister là-dessus, nous ajoutons 在, doigt noir pointé vers le sol, 在, juste devant le verbe, et c'est le même 在 que dans 现在. Alors, quand on utilise maintenant, quand on utilise 现在, on le met aussi devant le verbe? On met 现在 avant le verbe, mais quand on utilise avec 在, celui-ci se place après 现在. Ce qui donne 现在在. Alors, comment dit-on? Il est en train de lire un livre. Il. Ta. En train de. Xiànzài. Zài. Si dans la phrase française, on a un maintenant, ou utiliser Xiànzài. Mais si on dit simplement, il est en train de lire un livre, il suffit d'ajouter Zài plus le verbe. Ta Zài, suivi de lire un livre. Et à l'instant, vous avez employé maintenant dans la phrase. Nous allons vous préciser quand il faut employer le mot maintenant en disant maintenant, à présent. Mais quand je dis il est en train de lire un livre, c'est juste pour indiquer que l'action est en cours et vous pouvez donc utiliser 在. Donc en train de, il en train de, 他. Zai. Regarder livre ou lire un livre. Kan. Shu. Il est en train de lire un livre. Ta zai kan shu. Comment dites-vous? Pourquoi est-il occupé? Pourquoi? Wei shenme. Il. Ta. Le mot vide. Hen. Occupé. Ma. Donc, nous n'avons pas besoin du ma quand nous avons déjà un interrogatif. Et pourquoi est-il occupé se dira. Wei shenme ta hen mang. Et maintenant, la phrase que vous attendiez. Il est en train de lire un livre maintenant. Il. Ta. Maintenant. Xiànzài. En train de. Zài. Lire un livre. Regarder livre. Kàn. Shú. Il est en train de lire un livre maintenant. Ta. Xiànzài. Zài. Kàn. Shú. Comme vous l'aurez remarqué, vous pourrez accroître votre vocabulaire en comprenant comment décomposer des mots de plusieurs syllabes et nous allons vous montrer comment procéder au fur et à mesure. Ce n'est pas seulement un excellent moyen d'augmenter votre vocabulaire, mais c'est aussi très amusant. Vous en apprendrez également davantage sur la langue chinoise parce que la manière dont les Chinois agencent les mots les uns par rapport aux autres révèle leur vision du monde. En chinois, on met les choses importantes en premier. D'abord, on veut savoir qui fait cela. Puis, nous voulons savoir quand. Et enfin, nous voulons savoir quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la phrase « Es-tu occupé maintenant ?» deviendra en chinois « Tu ?»« Ni ?»« Maintenant ?»« Xian ?» Ah non, « Xianzai ?»« Occupé ?» Mang. Le mot interrogatif. Ma. Es-tu occupé maintenant? Ni xianzai mang ma. Cette phrase tu maintenant occupé est la manière dont nous le dirions en chinois si nous devions le traduire mot à mot. Nous avons d'abord la personne tu. Nous voulons savoir d'abord qui fait cela. Ensuite, nous voulons savoir quand ça se passe, dans cet exemple, maintenant. Et enfin, nous voulons savoir quoi, qu'est-ce qui se passe, ici, être occupé. Et bien sûr, si c'est une question, nous avons notre cher maman à la fin. Alors, je suis occupé maintenant. Je. Wo. Maintenant. Xian sai. Le mot vide. Hen. Occupé. Mang. Je suis occupé maintenant. Wo xian zai hen mang. Et toi? Nin. Comment dites-tu? Ni. Oui, ni, avec le V rouge de la victoire. Et comment dites-vous? Qu'en est-il de toi? Nina. Nina. Alors maintenant, dites-moi, nous ne sommes pas très occupés. Nous? Woman. Ne pas? Pou. Très? Hen. Occupé. Mang. Nous ne sommes pas très occupés. 我们不很忙. Est-ce que je pourrais répondre à la question précédente juste en disant je suis occupé, ou est-ce que je pourrais juste dire 很忙 sans le reste? Ce serait juste? Oui, vous pouvez simplement répondre avec 忙 ou 很忙 ou 不忙. D'accord. Comment diriez-vous? Sont-ils très occupés maintenant? Alors, ils? 他们. Maintenant? 现在. Très? 很. Occupés? 忙. Le mot interrogatif? Ma. Sont-ils très occupés maintenant? 他们现在很忙吗?